Mais maintenant, on voit quelque chose. Il y a une île dans le milieu de la rivière. On est rendu sur l'île. Colin, il y a quelque chose là qui sort de la terre. C'est comme un bout à plastique. Des terres, tout ça. Sors un gros sac, rouvre le sac, toi, un sac de poubelle rempli de couches. Hein? Puis de morceaux de steak, puis d'os. De marde. De la décomposition à l'état pur, là. Avec des couches, des tampons là-dedans, toi. Ah, oh, c'est dégueulasse.